Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Bastien Massias. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signes faibles des mondes de demain. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous allons parler de la bergerie urbaine qui pratique l'élevage de moutons au cœur de la métropole de Lyon et effectue du pâturage itinérant. Plus largement, nous parlerons du lien entre l'être humain avec la faune et de la place de l'élevage dans la société de demain. Et d'ailleurs, au passage, pour celles et ceux qui nous écoutent, j'en profite pour dire que ce podcast que vous écoutez gratuitement est libre et indépendant et il a besoin pour continuer à exister et à se développer de votre soutien. Donc à la fin de cette interview, n'hésitez pas à relayer le podcast à votre entourage, mais aussi laisser une bonne note sur votre application. Et si vous êtes sur Apple Podcast, à laisser 5 étoiles. Voilà, c'est dit, merci. Pour commencer cet échange, je te pose la question que je pose à tous mes invités au début de l'interview. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te demandent ce que tu fais dans la vie? Je commence par leur dire que je pratique donc l'agriculture urbaine et plus spécifiquement que je suis berger urbain. Et ça, quand tu leur dis « je suis berger urbain », j'imagine les gens en face de toi avec des grands yeux. C'est vraiment pas banal comme métier. C'est même sans doute la première fois qu'ils entendent parler de berger urbain. Oui, j'imagine que pour la plupart d'entre eux, c'est sans doute la première fois qu'ils entendent parler de ce métier-là, même si on reprend quelque chose d'existant, puisqu'il y a une initiative parisienne qui s'appelle Clinamen et qui a commencé à installer un élevage de moutons dans le 93, en Seine-Saint-Denis, depuis 2012. Et donc, pour s'adapter au morcellement des espaces naturels urbains, ils ont contribué à faire évoluer cette pratique de l'élevage urbain. Et donc, se sont mis à pratiquer ce qu'on appelle le pâturage itinérant. C'est-à-dire que, du coup, ils vont déplacer à pied un troupeau de moutons à la recherche, du coup, de leurs ressources alimentaires sur les pieds d'immeubles, les parcs, les friches. Et donc, nous, on a repris ça maintenant, il y a 2 ans, sur la métropole de Lyon, donc avec la structure La Bergerie Urbaine. Et effectivement, quand on va déplacer un troupeau de moutons dans les différents quartiers, ça crée une animation très atypique, très chaleureuse, puisque les citadins, les habitants n'ont pas du tout l'habitude de voir des animaux d'élevage en pleine ville, même s'ils étaient présents il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a une centaine d'années, il y avait encore énormément d'animaux d'élevage dans nos villes. Mais du coup, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Et effectivement, tout le monde est interloqué. Tout le monde se pose de nombreuses questions du coup, sur la place de ces animaux en ville. Et puis du coup, ces habitants viennent interagir avec nous, nous poser plein de questions. Et c'est l'occasion aussi pour nous de pratiquer un peu de sensibilisation agro-environnemental, de parler des enjeux alimentaires, climatiques, la place de la nature en ville, etc. Et donc, effectivement, le métier de berger urbain est quelque chose qui suscite beaucoup de questions, mais aussi beaucoup de sourires, puisque quand on va se balader dans la ville avec les moutons, on constate que c'est quelque chose qui est vraiment une convivialité un petit peu indescriptible, dans le sens où tout le monde a le sourire jusqu'aux oreilles et tout le monde échange avec les animaux autour. Et ça a un effet d'apaisement, de pédagogie, de sensibilisation et de lien social aussi. Donc c'est quelque chose qui est assez fort au niveau culturel, au niveau des imaginaires urbains. On reviendra hein, sur tout ce que tu viens d'évoquer en détail, parce qu'effectivement, si l'image et le rôle et le travail et le quotidien du berger est pas mal dans l'inconscient collectif, hein, même si on l'imagine en train de déambuler dans de vastes vallées verdoyantes. Là, tu l'as dit succinctement et j'aimerais t'entendre le développer. Les objectifs, la mission, les activités de la bergerie urbaine ont vraiment du sens avec les moutons qui se baladent d'un point A à un point B en ville. Mais avant ça, moi j'étais quand même très curieux de savoir comment toi tu étais devenu berger urbain. Est-ce qu'il y a une formation pour devenir berger urbain ou tu t'es formé sur le tas? Alors, il n'y a pas de formation pour devenir berger urbain, même si... Initiative à Paris dont j'ai parlé, Clinamen et donc les bergers urbains, une structure parallèle, eux, proposent des accompagnements pour monter des projets d'élevage en ville comme ça. Mais hormis des initiatives comme ça, citoyennes, associatives, non, il n'y a pas de formation officielle pour devenir berger urbain. Et donc, ben, moi, ça m'est venu puisque donc, j'ai fait là, des études dans une école lyonnaise qui s'appelle Supécolidaire et qui est dédiée à la transition écologique et solidaire. Et puis, j'étais depuis des années déjà touché par les enjeux agricoles et alimentaires. Et donc, quand j'ai découvert l'agriculture urbaine, ça a été comme un flash pour moi, puisqu'il y a avec l'agriculture urbaine énormément de moyens pour agir sur les enjeux actuels de la ville, mais pas que, aussi du rapport au vivant, de la consommation alimentaire, du rapport à la biodiversité qu'on accueille dans les villes, etc. Et donc, l'agriculture urbaine, je me suis lancé à fond dedans depuis maintenant 3 ans, voire un peu plus. D'abord en m'impliquant dans le jardin partagé au pied de chez moi. Ensuite, en allant découvrir aussi un petit peu plus des façons de produire vraiment avec des systèmes qui vont à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'agriculture, notamment le modèle collaboratif. On y reviendra tout à l'heure, parce que la bergerie est là-dedans. Mais c'est-à-dire qu'il y a en gros un mix entre du salariat et de l'implication des habitants, et ça rend tout le monde agriculteur. Enfin, je me suis intéressé vraiment à tout ça, à comment la place de l'alimentation et de l'agriculture pouvait changer notre rapport à la ville et au vivant. Et puis donc, ben, dans ces études à Supécolidaire, j'ai effectué un stage à la bergerie urbaine. Et donc, je me suis ensuite formé donc au sein de la structure pendant un an et demi. Et maintenant, je suis à temps plein dans cette structure-là. Voilà. Donc, ça a été un cheminement quand même pas très long, mais qui demande de se former, d'avoir un petit peu d'expérience, parce que le travail avec les animaux, ça prend du temps, et puis c'est du vécu, quoi, en fait. Oui, c'est un vrai métier, et c'est d'autant plus pour ça que je suis heureux de te donner la parole sur cet exemple assez original, pour pas dire unique, d'un métier qui peut, et qui, je l'espère, est voué à se développer et à reprendre toute sa place dans les villes de demain. On en reparlera tout à l'heure en 2030 Glorieuse. Pour revenir concrètement aux missions et aux objectifs de la bergerie urbaine, j'aurais tendance à penser, en t'écoutant parler, que le fruit d'un troupeau comme celui que vous avez est peut-être pas l'objectif premier de votre travail, comme on imagine un éleveur en périphérie des villes qui a son troupeau pour faire du fromage, récupérer la laine, etc., etc. Est-ce que je me trompe? Eh ben alors, effectivement, on va pas être dans une démarche agricole comme on a l'habitude de l'entendre, puisqu'on n'est pas porté sur... un modèle qui est uniquement productif. Donc effectivement, il va y avoir une part d'animation pédagogique dans notre modèle, une part de lien social, etc. Néanmoins, on a quand même la volonté d'être une structure agricole et donc de pratiquer vraiment de l'élevage dans un milieu urbain avec ce que ça implique. Et donc, le déplacement de ces animaux va jouer effectivement sur l'imaginaire, sur le lien social, sur l'animation de quartier. Mais nous, quand on fait ça, c'est une réelle manière d'aller nourrir nos animaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité dans un espace urbain comme la métropole de Lyon, mais comme dans la plupart des villes françaises, d'avoir des espaces de 50, 60, 80, 150 hectares, comme on peut le voir en campagne. Et donc, pour pratiquer l'élevage, on va devoir aller chercher cette ressource fourragère un petit peu partout. Donc, même si ce n'est pas l'unique but de la bergerie urbaine que de produire de la viande et de la laine, il y a effectivement ce but-là qui est, pour le coup, assumé et est quand même important dans notre modèle, puisqu'on se revendique vraiment de l'agriculture urbaine. Voilà. Et donc, de manière très concrète, on imagine un troupeau de quelques dizaines de moutons. Je ne sais pas, d'ailleurs, tu ne l'as pas précisé encore. Oui, alors pour l'instant, on a une trentaine de moutons. On aimerait bien monter à 60 dans le projet tel qu'il est conçu pour l'instant. Et puis, selon le foncier qui nous est accessible en ville, ça pourrait être chouette d'aller au-delà, voire même de diversifier les animaux. Ouais, mais comme tu dis, le foncier étant rare en ville, ce troupeau d'une trentaine de têtes doit se déplacer assez fréquemment s'il veut avoir suffisamment de ressources pour s'alimenter. Et donc, vous vous déplacez toutes les semaines, tous les mois, ou même plus fréquemment. Comment ça marche concrètement ? Ouais, bah alors ça dépend. En fait, on a vraiment un modèle d'élevage qui repose donc sur la complémentarité entre le pâturage itinérant, dont on parlait à l'instant, et la gestion pastorale. C'est-à-dire là, on va rester plus longtemps sur une prairie qui nous est mise à disposition dans le but de l'entretenir de manière écologique avec un troupeau de moutons. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'éco-pâturage, sauf qu'on préfère appeler ça nous gestion pastorale dans le sens où il y a vraiment une utilité agricole et nourricière à cette gestion pastorale. Donc, on va avoir voilà, les deux versants de cette médaille, la gestion pastorale et le pâturage itinérant. Donc, la gestion pastorale, actuellement, c'est une vingtaine d'hectares qu'on entretient, nous, sur la métropole de Lyon. Donc, on va se déplacer sur ces différents sites qui nous sont mis à disposition par des structures sociales, des campus, des parcs d'entreprises, voire même des parcs publics potentiellement. Et donc, on va se déplacer dans ces endroits-là. Et puis, une fois que l'herbe est complètement broutée par les moutons, ben, on va les mettre dans un autre endroit. Et ensuite, eh ben, on va faire en fait un tour de ces sites voilà, au fur et à mesure de l'année, de manière à ne pas surpâturer chaque endroit et puis faire en sorte de préserver la ressource fourragère qu'il y a dessus et l'entretenir bah, du coup sans tondeuse, sans intrants chimiques, etc. Donc ça, c'est le premier versant de comment on nourrit nos animaux. Et puis en plus de ça, effectivement, puisque dans les périodes bah, d'hiver, voire même de sécheresse, l'herbe vient à manquer, et comme en plus on n'a pas des prairies très grandes, eh ben, on va déplacer nos animaux donc dans la ville, via les trottoirs et les passages piétons. Et donc là, ça peut être de 1 km à 10 km, ça peut être sur quelques heures, comme toute la journée. Et là, voilà, les animaux vont aller brouter dans les parcs, les friches, les pieds d'immeubles, tous les espaces qui permettent d'accueillir de l'herbe en ville. Et voilà. Et cette pratique est notamment permise depuis l'interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces publics urbains. Ça permet notamment ce genre d'initiative, puisqu'on peut maintenant pratiquer voilà, l'agriculture urbaine, faire brouter un troupeau de moutons, en étant sûr que du coup le parc de la Tête d'Or, par exemple, n'est pas traité par des produits phytosanitaires. Et donc, on a des moutons qui savent marcher sur un trottoir, qui savent s'arrêter à un feu. Comment ça marche ? Oui, bah alors du coup, nous, on guide le troupeau à la voie, à pied. Et donc, effectivement, on se déplace vers les trottoirs, les passages piétons. Et donc, on peut être de 2 à 4 bergers pour assurer la sécurité du déplacement et interagir avec les habitants, surtout. Mais effectivement, les moutons, maintenant, ça fait 2 ans qu'on les a, ils sont extrêmement habitués au déplacement. Ils respectent le code de la route. C'est des moutons d'élite. Et effectivement, ils ne s'arrêtent pas au feu rouge. Mais quand nous, on leur dit de s'arrêter au feu rouge, ils s'arrêtent. Et quand on leur dit de repartir, ils repartent. Et voilà, effectivement, ça fait des belles photos de moutons sur des passages piétons qui respectent le code de la route mieux que certains humains. Ouais, après la célèbre photo des Beatles sur le passage piéton, bientôt celle des moutons de la bergerie urbaine. Ouais, bah alors là, elle existe déjà. Je vous invite à aller voir sur Internet. On en a pas mal qui permettent justement de voir la ville sous un autre angle et qui sont sympas pour cet aspect-là. Ça, le contraste mouton-espace très dense, urbanisé, ça fait quelque chose d'assez visuel et que les gens aiment bien voir, effectivement. Et justement, parlons-en. Tu nous as dit hein, que vous aviez quand même une activité avec une production agricole. On parle de viande, on parle d'autres choses. Et j'invite les gens à aller les découvrir sur votre site internet. C'est très bien expliqué. Et puis même, les gens peuvent les acheter, si je ne dis pas de bêtises. Et de l'autre côté, tu parlais d'ateliers, tu parlais de sensibilisation. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'utilité, on va dire, l'intérêt pédagogique d'être berger urbain en 2020? Bah alors c'est très large puisque ça va toucher pas mal d'aspects de la culture et de son rapport aux animaux, mais en gros nos animations pédagogiques ça va consister, donc comme je le disais à l'instant, c'est du pâturage itinérant. Donc on va déplacer les moutons à pied via les trottoirs et les passages piétons. Généralement les prestations d'animation, quand elles ont vraiment un but pédagogique, voilà, elles se font auprès de structures sociales, de bailleurs sociaux, des écoles, des MJC, enfin tous les publics comme ça. Et du coup, on va déplacer les moutons dans les quartiers au pied de là où habitent les gens. Et puis, on va aller visiter l'école, la MJC, le jardin partagé du coin. Là, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais tout ce qu'il y a à visiter en fait dans le quartier. Et puis, du coup, les habitants vont suivre les animaux ou pas, ou vont juste venir interagir avec les bergers. Et en fait, ça va créer des animations hyper atypiques qui vont regrouper des centaines de personnes à chaque fois, qui du coup viennent discuter avec nous de tous les enjeux agroalimentaires, la place de la nature en ville, qu'est-ce que c'est que manger de la viande, pourquoi c'est important de se reconnecter à ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la place de l'agriculture par rapport aux grandes métropoles qui prennent toujours plus d'espace. Et ça peut aller aussi loin que ça, comme ça peut être juste un enfant qui découvre en fait ce qu'est un animal d'élevage et qui du coup est complètement interloqué et pour lui c'est un grand moment parce que c'est quelque chose qu'il a jamais vu quoi. Donc ça peut aller sur toute cette palette d'interactions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la présence d'un troupeau en ville va forcément déclencher quelque chose en 2020 sur le Lyonnais, enfin la plupart des Lyonnais, même des urbains en fait. Et du coup, toutes ces interactions-là vont permettre d'échanger sur ce qu'est l'agriculture, sur les enjeux qui portent sur l'agriculture, parce que c'est quand même quelque chose de vraiment fondamental, selon moi, pour les sociétés. Et du coup, ça permet d'aborder tout plein de choses, en fait. Et c'est comme ça que vont se réaliser les animations de sensibilisation. En fait, on va au pied des immeubles des gens avec nos moutons, et l'animation se fait toute seule, puisque, comme tu l'imagines, les gens ont des milliers de questions à poser. Et pour le coup, ils font l'animation avec les questions qu'ils ont envie de découvrir. Ouais, j'imagine très bien. D'autant qu'il y a une vraie curiosité du monde paysan qui, à l'époque, quand je dis à l'époque, il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, était un métier connu et reconnu, largement diffusé et propagé à travers le territoire et qui aujourd'hui représente à peine 1% des travailleurs en France. Donc l'idée de pouvoir faire en sorte que ce métier soit à nouveau mis face aux gens dans leur quotidien et que l'élevage soit aussi beaucoup plus concret que un morceau de viande qu'on peut acheter au supermarché dans une barquette sous vide, ça change tout. Hein. Oui, effectivement, c'est se reconnecter à tout un pan de l'agriculture qui va bien au-delà que la simple alimentation. C'est la gestion des territoires, le rapport au vivant, la santé des sols, la santé de tout plein de choses, effectivement. Et comme tu le dis, nous, on milite pour ça, pour qu'en fait, il y ait plus d'agriculture partout, et notamment dans les milieux urbains, puisque la plupart des gens aujourd'hui vivent en ville. Et donc, en fait, on essaye d'adapter le métier d'éleveur à un espace urbain qui, du coup, a différentes contraintes. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, le foncier est morcelé. C'est une contrainte. Les agriculteurs ruraux ont d'autres contraintes. Donc on s'adapte et on essaye de faire en sorte que l'agriculture réinvestisse nos villes, puisqu'en fait, ça fait des siècles, voire des millénaires, que les villes s'autosuffisent en alimentation grâce aux ceintures maraîchères, grâce aux animaux qui sont présents dans la ville, à la fois pour le transport, pour la production de lait, le recyclage de déchets organiques. Enfin, c'est toute une relation aux animaux qui est hyper, qui nous rend beaucoup de services et qui du coup a totalement sa place en ville. Et nous, du coup, là, c'est pour ça qu'on milite, pour vraiment. L'objet de l'association fondamentale, c'est donner une valeur nourricière aux espaces naturels urbains. Voilà, donc. Partout où on ne peut pas faire des jardins partagés, du maraîchage collaboratif, voire d'autres choses, et bien on peut faire pâturer un troupeau de moutons grâce au déplacement, grâce au pâturage itinérant. Et du coup, on va donner une valeur nourricière à tous ces espaces-là, en plus de se rapprocher des habitants et d'avoir une valeur pédagogique. On voit l'intérêt de la démarche, tu viens de le dire, au niveau pédagogique, au niveau agricole et dans la nécessité de rapprocher l'alimentation, il y a la question forcément du rapport aux autres espèces vivantes et notamment aux autres animaux qui est beaucoup questionné et qui est très très largement et de plus en plus largement pointé du doigt, notamment par quelques ONG qui font le travail de révéler ce qui se passe dans les abattoirs. Qu'est-ce que vous pouvez retirer de cette expérience qui va dans le sens d'un accord, d'un équilibre entre le respect des animaux, la durabilité des villes, mais aussi peut-être, je ne sais pas, un sens éthique un peu plus profond. Dit de manière un peu plus triviale, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent « Oui, c'est super ce que vous faites, mais en fait, c'est moins pire, c'est pas mieux. » Et donc, l'élevage respectueux et durable, ça n'existe pas. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est laisser les animaux tranquilles. C'est effectivement des réflexions qui peuvent aller très loin. Après, nous, on part vraiment du principe que la relation avec les animaux, elle est bénéfique sur tout un tas d'aspects. Donc, comme je disais, à la fois sur la gestion des territoires, sur l'alimentation humaine, sur... Les fermes les plus durables depuis l'histoire de l'agriculture, ça a toujours été les fermes en polyculture-élevage, où les animaux ont une place dans l'ensemble de la ferme, et la place des animaux va aussi favoriser la production végétale, et va favoriser la biodiversité, et va favoriser l'autonomie des personnes, et va permettre de rendre nourricière des surfaces qui, de toute façon, ne peuvent pas être exploitées par l'homme. Et du coup, tout le message abolitionniste de l'élevage, pour moi, manque de nuance, puisque c'est soit noir, soit blanc, alors que depuis quand même des milliers d'années, les animaux ont un rôle très important dans le développement des sociétés humaines, et très bénéfique. Et du coup, le but, c'est pas forcément d'abolir l'élevage, c'est de remplacer l'élevage industriel, puisqu'effectivement, lui, il est problématique. Il est problématique par la masse de viande qui est consommée, il est problématique par les pratiques qui sont employées par certains éleveurs, qui du coup, oui, effectivement, vont être très néfastes pour l'environnement. Et d'ailleurs, les éleveurs sont les premiers à subir ces conséquences. Il y a aussi énormément de d'enjeux sociaux derrière ça. Et du coup, nous, on part vraiment du principe qu'il faut... Il ne faut pas abolir l'élevage, il faut le réinventer et il faut lui redonner son sens premier, qui est de vivre avec les animaux et de vivre de manière pas autonome, c'est pas le terme, mais résiliente. Ouais, résiliente. Merci pour cette réponse, Bastien. Merci d'apporter de la complexité, comme tu le dis, à un sujet qui est souvent soit tout blanc, soit tout noir. On va laisser derrière nous cette première partie de l'interview passionnante où tu nous as raconté ton métier de berger urbain dans la métropole lyonnaise. Et avant de voyager vers les utopies réalistes et de partir ensemble en 2030 glorieuse, on marque à chaque fois une pause, on ouvre une parenthèse où chaque invité vient nous offrir une inspiration à travers une fenêtre de littérature, parce qu'il y a dans tous les livres autour de nous des pistes qui montrent concrètement à quoi pourraient ressembler les mondes de demain. Et donc toi, tu nous partages une utopie qui a particulièrement résonné en toi, laquelle ? Oui, alors du coup, j'ai choisi de vous partager un extrait d'un livre de Jocelyne Porcher. Alors pour le coup, c'est pas un roman, c'est pas une fiction, mais Jocelyne Porcher est très engagée pour l'élevage paysan. C'est une sociologue qui a également été éleveuse et qui, du coup, a consacré toute sa carrière de recherche sur le lien entre humains et animaux, et notamment les animaux d'élevage. Et donc, elle milite à travers ses écrits pour un élevage paysan à petite échelle qui ne soit pas, on le dit dans le monde industriel, de l'élevage de la production animale, mais bien de l'élevage du lien aux animaux. Donc je voulais vous partager une conclusion d'un de ses bouquins qui s'appelle « Vivre avec les animaux, une utopie pour le 21e siècle » et qui du coup résume un petit peu ce que ça apporte en tant qu'être humain de vivre avec les animaux d'élevage et notamment sur le ressenti qu'on peut avoir et qui est un petit peu indescriptible et qui peut changer notre rapport au vivant. Il est difficile de donner à ressentir ce que c'est que de vivre et travailler avec des animaux. Ce n'est pas l'argent, mais le bonheur qui vous lie aux bêtes et au monde. Comment dire des émotions, des odeurs, des goûts, des touchés et des sons. Tout un univers de sensations qui vous traverse quotidiennement. Comment dire le regard d'une brebis à son agneau juste né et à vous qui venez de le frotter vigoureusement avec une boule de paille pour qu'il n'ait pas froid et désire téter. Comment dire le parfum de la toison des brebis qui flotte derrière le troupeau en marche et se mêle à l'air brumeux du matin. Une odeur capiteuse et douce qui me revient en écrivant et que je crois percevoir tout autour de mon bureau. Comment dire l'espace des bergers qui parcourent la montagne avec leurs brebis, la solitude, la peur, le bonheur parfait. Comment dire ce lien aux animaux qui a mille visages, mille formes et se trouve en mille lieux. L'élevage se découvre dans chaque relation particulière qu'entretient un éleveur avec ses animaux. Il a mille visages, mais ces visages ont tous un point commun, la présence indispensable des animaux. Au-delà des différences de territoire et de culture, tous ces éleveurs sont reliés et parlent le même langage, celui du lien à la nature. Prés, forêts, vallons, marais, pics montagneux, déserts, tout porte l'empreinte des bêtes, de pas pesants ou de galop joyeux. Tout porte l'empreinte de nos liens, la géographie mais aussi l'histoire. 10 000 ans de vie en commun, et depuis 10 000 ans, je pense, les animaux domestiques attendent de nous voir grandir, sortir de notre enfance humaine brutale et redoutable. Comme les animaux sont patients, comme ils sont compatissants. Est-ce qu'ils ont pitié de nous, comme le suggérait une employée dans une porcherie que j'ai rencontrée lors de mes études ? Nous le constatons déjà, vivre avec les animaux n'a plus rien d'une évidence. C'est devenu une utopie, et une utopie révolutionnaire, car pour continuer à vivre avec les bêtes, il faut changer les fondations de ce monde. Dans ce monde-ci, l'homme humain finira par disparaître, remplacé par des machines, devenant lui-même mi-humain, mi-machine, mort-vivant, éternel et vide, surpuissant dans une nature à sa botte, mais dans un monde indifférent à sa présence. Avant de renoncer à vivre, écoutons pâturer les vaches et dormir les cochons. Écoutons parler les bêtes, écoutons-les. Sébastien, c'est presque de la poésie que tu nous as lue, en fait. Bah, du coup, oui, j'ai trouvé que c'était assez romancé et que ça correspondait bien avec le propos de la bergerie. Oui, ça correspond même plus que bien. Hein. C'est l'idée d'une nouvelle relation entre les animaux et les êtres humains, et en fait, entre tous les animaux que nous sommes, plutôt que de se voir et de s'auto-donner une place différente. Je trouve que cette notion de passage à l'âge adulte pour l'humanité revient souvent, et c'est vrai qu'on espère un peu tout ça, hein, dans le mouvement écologique, militant, engagé, plus largement de la construction de ces mondes de demain, hein, qu'on passe à l'âge adulte, en fait. Oui, exactement, c'est renouveler tout ce rapport-là, mais également finalement retisser des choses qu'on a perdues aussi, des choses simples, qui pour le coup étaient pratiquées depuis des milliers d'années par... Et sans aucune richesse. Je me suis senti me déplacer, je sais pas toi, pendant ta lecture qui était très douce et encore une fois, j'ai trouvé très poétique. Merci. On s'est déplacé ensemble, sans que tu t'en rendes compte sans doute, vers les 2030 glorieuses. Et d'ailleurs, ça y est, nous y sommes. Un exercice pas évident où on va devoir parler au présent alors que nous sommes dans 10 ans, dans une société où nous avons réussi. Réussi à quoi, je ne sais pas, c'est à toi et puis en fait à nous de le décider et de le raconter. À une époque où 10 ans en arrière, en 2020, on nous promettait un avenir bien sombre qui allait de catastrophe en catastrophe, de crise en crise. L'humanité a réussi à se cabrer et à se raisonner et à se retrousser les manches pour radicalement transformer notre mode de vie et abandonner une bonne fois pour toutes notre système de prédation sur le vivant. Sans pour autant dire que tout aujourd'hui en 2030 glorieuse est parfait, loin de là, mais clairement l'espoir est revenu et j'aimerais qu'on fasse ce voyage pendant une quinzaine de minutes ensemble dans cette époque où l'espoir est revenu. Si toi, tu avais eu les yeux fermés pendant ce voyage en 2030 glorieuse et que en les rouvrant, tu devais raconter ce que tu vois à celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu dirais ? Eh bien, je dirais que je vois dans ce monde en 2030 glorieuse de nombreuses micro-fermes collaboratives qui nous ont permis de justement renouer un rapport sain avec la nature. Nous permet de travailler avec elle et non plus de l'exploiter ou de la mettre sous cloche, mais bien d'être en lien avec elle. Et puis donc, ces micro-fermes seraient collaboratives dans notre idée, nous, à la bergerie urbaine, puisque le modèle collaboratif, comme on l'entend, permettrait à la fois avoir des salariés agricoles qui permettent d'avoir une grande productivité sur ces fermes, mais également une implication de tous les gens qui vivent autour de ces fermes, qui qui donc aurait un rôle dans la dimension productive, agricole du territoire, sans pour autant être attaché à 100% à ce métier-là, et qui pourrait du coup rendre plein d'autres services au territoire à travers leurs différentes activités. Et puis donc, le territoire serait maillé par ces micro-fermes collaboratives de polyculture élevage avec des animaux, des jardins productifs, des forêts nourricières, etc. Et donc, la ville serait beaucoup plus végétalisée, des espaces seraient débétonnés pour y installer de nombreuses végétations, mais également des espaces de production agricole. Bien sûr, avec tout ce système agricole, la biodiversité aurait connu un regain incroyable des oiseaux peuplerait nos villes, ainsi que des lapins, des chiens, des renards, etc. Et puis voilà, ce serait déjà très bien. Tu nous projettes là tout de suite hein, dans un monde foisonnant. Tu as utilisé des mots tels que coopération, tels que service systémique. Il y a vraiment cette idée de relation durable, vertueuse, de cycle du vivant que tu viens de nous dépeindre pendant quelques instants. J'avais pourtant l'impression que 10 ans en arrière, un monde plus durable, dans l'imaginaire, c'était le retour à la campagne avec des communautés plus petites et plus soudées, et donc en creux, l'abandon des grandes villes. Toi, ce que tu es en train de dire, c'est que le réensauvagement de la ville, il a été possible. Et en 2030 glorieuse, les villes, elles continuent à exister sous une forme différente. Effectivement, on a cru... longtemps que les villes perderaient de leur superbe et ça a été très bénéfique que beaucoup de personnes reviennent à la campagne pour retisser un autre lien au monde. Néanmoins, en 2020, il me semble qu'une immense majorité, je n'ai plus le chiffre, mais de la population vivait en ville. Et donc, il est tout simplement inconcevable en fait, d'imaginer que des villes soient complètement désertées. Et pour moi, le meilleur moyen de penser aux gens qui vivent dans ces villes, c'est justement de sortir de cette séparation ville-campagne et donc de réensauvager la ville, de renaturer la ville avec une dimension nourricière qui permet d'être en lien avec cette nature et pas simplement la protéger de manière extérieure. À quoi l'humanité a dû renoncer pour laisser la place justement à ces autres espèces, parce que la ville, c'est la concentration de l'humanité par excellence, hein, presque l'entassement, pour le dire un peu violemment, et donc laisser la place à des fermes coopératives, laisser la place à des troupeaux, laisser la place à une faune et une flore aussi, sauvage, moins contrôlée, ça veut aussi forcément dire que nous, on a dû renoncer à certaines choses, non? Mais je dirais qu'on a renoncé à une relation avec la nature qui est portée sur le loisir et l'esthétisme pour lui donner une relation d'alimentation et de travail. Et je pense que du coup, ça a changé radicalement le rapport à l'espace qu'on a, puisqu'on se rend compte que même en 2020, la métropole de Lyon, par exemple, ne manquait pas spécialement d'espaces naturels, c'est simplement que les espaces naturels n'étaient pas du tout exploités et complètement morcelés. Et que donc la ville peut tout à fait accueillir une biodiversité foisonnante et des productions agricoles, écologiques et sociales. Moi, je pensais aussi à la place de la voiture, notamment, hein, qui a cannibalisé la ville ces dernières décennies. Il a fallu quand même lui dire non à un moment à cette voiture et à toutes ces places de parking et à toutes ces tonnes et ces tonnes d'acier dormant qui finalement passent la majorité de son temps à attendre le passager qui vient l'utiliser que quelques minutes, voire une heure ou deux par-ci par-là. Ça a été un long travail, mais finalement, c'est aussi ça, hein, redonner un autre sens au parking, redonner un autre sens aux routes pour que puissent cohabiter les espèces aussi, hein, créer un peu des nouveaux tunnels ou peut-être pas d'ailleurs, hein, mais pour cette faune qui revient. Oui, exactement. Et puis on aurait pu croire que ça aurait pu être un énorme sacrifice que de se passer de ces parkings-là, mais finalement, les gens, dans une démarche de résilience et d'agriculture, ont été demandeurs de débétonner. Et donc, en fait, ça a même pris plus de temps que prévu. La demande citoyenne, elle a été là depuis de nombreuses années. Et ça a été très bien vécu, cette transition elle est bénéfique pour tout le monde aujourd'hui. Et cette, ces espèces sauvages qui reviennent, ça nous dit aussi quelque chose sur notre rythme qui, lui, était de plus en plus décorrélé des cycles naturels. À quel point on a réussi à se réinspirer de ces rythmes ancrés normalement depuis des millénaires et qui, en fait, nous permettait justement d'avoir un équilibre bien plus vertueux avec le système Terre, puisqu'on le puisait, puisqu'on l'exploitait beaucoup moins. Oui, effectivement. Effectivement. Et puis justement, le fait que chaque personne soit en lien avec, enfin, en tout cas plus en lien avec ce qu'il mange, avec ce qu'il produit, avec la faune qu'il voit, tout ça reconnecte en fait au rythme de la nature, de la vie, aux saisons qui passent. Et effectivement. Le rythme a ralenti. Les troupeaux, ils nous disent quelque chose de ces rythmes à ralentir ? Ah bah, ils sont extrêmement paisibles. Ça fait beaucoup de bien d'observer un troupeau pâturer. Et je pense que ça ralentit le rythme humain de manière tout à fait instantanée et inconsciente. Et c'est vrai que voir pâturer du coup, des moutons, des vaches en pleine ville, tout ça a permis aussi d'un petit peu apaiser des mœurs. Parfois, effectivement, enfermé sur soi-même, d'être très, très pressé, etc. Tout ça a calmé ces ardeurs-là. On en parlait tout à l'heure, hein, en 2020. C'est sûr qu'on était complètement déconnecté l'élevage et l'élevage intensif avait un vocabulaire vicié qui montrait le côté vraiment utilitariste, hein, de notre alimentation, de la production de cette alimentation et donc du bétail qui n'était que des tonnes de steaks en devenir. Comment le fait de remettre l'alimentation à proximité des villes a pu aussi lui permettre de lui redonner sa juste valeur ? Parce que ça a créé du lien et des milliers du coup, de citadins, d'urbains qui n'avaient jamais vu un animal d'élevage de leur vie se sont mis à les côtoyer, à se rendre compte de leur rythme, à se rendre compte que c'était des animaux qui pouvaient être extrêmement sympas, avec qui on pouvait tisser des liens qui sont assez incroyables. Et que du coup, bah, petit à petit, en fait, c'est le ressenti qu'on vit quand on côtoie les animaux qui nous fait changer notre rapport au vivant. Et c'est en touchant de plus en plus de citadins, d'urbains, que ces personnes-là se sont mis à changer de rapport. C'est quand on vit avec les animaux que quelque chose se passe. L'expliquer n'est pas suffisant, voilà, pour démontrer ce rapport aux animaux d'élevage. Est-ce que ça réussit à redonner un petit peu, d'une certaine manière, un caractère sacré à ces animaux, ou en tout cas de remettre dans l'imaginaire une place à part? Moi, je sais que ma mère, elle vient du champ en Espagne, et les animaux vivaient dans la maison, hein, et elle vivait à la campagne avec un travail qui était très difficile, et l'alimentation était complètement différente d'il y a encore 10 ans, en 2020, où de plus en plus de personnes étaient obèses, avec une alimentation trop grasse, trop sucrée, trop transformée. Est-ce qu'on ne serait pas revenu par hasard à aussi la rareté de la viande dans nos assiettes, qui aujourd'hui, en 2030 glorieuse, est vue comme une exception, mais aussi comme un cadeau? Quand on sort des rythmes industriels de l'élevage, effectivement, il est tout simplement impossible d'espérer produire autant. Et en plus de cet aspect-là, la relation qui est créée avec les animaux d'élevage, eh ben, fait que quand on mange la viande qu'on a produite de A à Z, ça crée quelque chose, une relation intime et forte avec notre nourriture. Et effectivement, c'est un cadeau que de pouvoir manger cette viande qu'on a la chance d'élever dans des conditions qui soient saines à la fois pour nous et pour les animaux. Et effectivement, quand on se reconnecte à ces rythmes-là, on se rend compte que c'est des années de travail pour manger un peu de viande, en fait, et que c'est pas rien, et qu'il faut pas en manger trois fois par jour. Et toi, tout à l'heure, tu disais qu'on a arrêté de voir la nature seulement comme faisant partie du paysage et d'essayer de la contrôler pour des critères de beauté qui sont, ma foi, assez subjectifs. Le réensauvagement et donc ce que ça implique de laisser faire, hein, et de perdre le contrôle commence à aussi, en fait, participer à faire des villes à nouveau belles dans le sens sauvage. Oui, effectivement, quand on laisse un petit peu plus de place au sauvage, ça crée tout de suite des espaces de nature qui sont, selon moi, beaucoup plus beaux que quelque chose qui est tendu tous les quatre matins dans une démarche de propreté, quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, le fait de laisser des espaces libres à la nature, ça permet aussi l'observation, qui du coup n'est pas du tout possible dans des lieux totalement sous cloche. Et donc, l'observation, pareil, va créer un autre rapport au rythme vivant et une fascination. Enfin, c'est comme ça aussi que vient la passion de la biodiversité, c'est quand on s'assoit et qu'on se met à l'observer. Et que du coup, plus on laisse d'espace sauvage, plus les personnes seront sensibilisées à ça et plus on laissera d'espace sauvage. Donc 2030 Glorieux, c'est un temps aussi, c'est une époque où on a réappris la contemplation, ce qui est... j'ai l'impression, fait partie du quotidien du berger. Oui, effectivement, on a essayé d'être précurseur en 2020 en amenant des moutons effectivement paisibles en ville où les gens du coup peuvent se poser et discuter simplement en ayant des relations avec un animal qui est content d'être là. C'est pas grand-chose, mais on est persuadé que ça a amené beaucoup finalement. Toi, en 2030 Glorieuse, Bastien, tu fais quoi? Je suis toujours berger urbain, mais dans une forme beaucoup plus large puisque... on a une grande ferme avec plein de gens dedans, avec de nombreux animaux et avec une production alimentaire qui va au-delà de l'animal, mais aussi du maraîchage, de la gestion forestière, de la gestion des territoires urbains, l'entretien de territoires urbains par la gestion pastorale. Être vraiment un agriculteur urbain. Un polyculteur urbain. Et ces 10 dernières années, tu as formé des dizaines, voire des centaines d'autres bergers et bergères urbains et urbaines hein, qui ont déployé ce métier à l'époque presque unique dans toutes les villes de France et même d'Europe. Oui, effectivement, il y a eu de nombreux essaimages du pâturage itinérant et des bergeries urbaines. Et donc, ça s'est fait naturellement. De plus en plus de personnes se sont appropriées le projet et puis petit à petit, ça s'est mis à fleurir de partout. Et puis, il n'y a pas forcément que de l'élevage de moutons comme nous on le fait, mais il y a tout simplement une réappropriation agricole de la part des citoyens qui font que de nombreuses initiatives sont apparues de partout, dans toutes les villes, et puis qui sont adaptées à leur contexte aussi, avec les espèces qu'il y a chez eux, les enjeux qu'il y a dans chaque territoire, etc. J'imagine tout ça. Ce silence me laissait songeur là, de revoir même l'emblème national qui est le coq regagner nos villes. J'ai vécu aux Philippines où malheureusement il était tristement dans les villes pour le combat. Là-bas aux Philippines, ils utilisent beaucoup les coqs pour le combat. Mais je l'imaginais pour plein d'autres choses et je trouvais que ça donnait aussi un beau son aux villes qui sont malheureusement aujourd'hui beaucoup plus peuplées de klaxons et de crissements de pneus que de chants du coq. Effectivement. On revient en 2020 en arrière. Hein. Merci Bastien pour cette projection qui était très concrète avec tout un tas d'images qui, moi, m'ont fait beaucoup voyager. La route, elle est à la fois très longue et très courte. Hein. 2030 Glorieuse, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on verra jamais et en même temps, c'est demain. Et moi, j'aime bien poser comme dernière question à mon invité. Qu'est-ce que tu suggérerais à toutes les personnes qui nous ont écoutés concrètement là, si on veut cheminer vers ces perspectives enthousiasmantes qu'on a dessinées ensemble pendant quelques minutes, quel est le premier pas à faire dès maintenant? Le podcast se termine. Qu'est-ce que vont faire les gens pour se mettre en mouvement et aller vers ces caps enthousiasmants? Et ben, je dirais vraiment prendre le temps d'apprendre à observer le vivant autour de soi. Et du coup, ça peut passer par participer à l'agriculture qui approche de chez soi. Alors pour les personnes en ville, ça peut être mettre le pied dans un jardin partagé, ça peut être venir faire du bénévolat dans n'importe quelle association d'agriculture urbaine, et puis aussi se renseigner sur des méthodes alternatives de produire de l'alimentation, mais pas que. En fait, c'est tout simplement réinventer des modèles pour moi de travail et de vivre ensemble. Alors c'est vrai que mon domaine, c'est l'agriculture, mais j'invite vraiment chaque personne à questionner ce qu'il a envie de faire comme travail et comment il peut faire que cette activité soit bénéfique pour lui et pour le reste de la société. Et donc, à réinventer les modèles de collaboration, de production, de tout un tas de choses. Et en fait, les enjeux sont vraiment vastes. Donc, que chacun se reconnecte à lui-même et au reste du vivant pour trouver ce qu'il a envie de faire et ce qui sera utile. Et s'il est dans cette démarche-là, je suis persuadé que chacun apportera quelque chose de positif. Merci Bastien. Et voilà, notre échange avec Bastien vient de se terminer. C'est vraiment un métier fou, hein, celui d'être berger urbain, complètement atypique. Et je suis très heureux d'avoir pu organiser cette interview parce que en coulisses, on a mis beaucoup de temps à réussir à trouver le bon créneau. J'étais très désireux de vouloir aller sur le lieu de travail de Bastien, idéalement entouré des moutons, pour en plus avoir un décor sonore particulièrement approprié pour vous faire vivre encore plus en profondeur cette expérience. Et puis malheureusement, on a été à nouveau reconfiné, donc du coup ça s'est compliqué, on a réussi à le faire à distance. Je sais que la qualité audio était pas optimale, donc je m'excuse, hein, on fait au mieux et parfois on contrôle pas exactement les outils techniques à notre disposition. En tout cas, merci de vous être accroché, parce que vraiment je crois qu'il y a une richesse assez extraordinaire dans l'expérience de Bastien, et ce métier de berger urbain représente bien l'idéal de durabilité, de lien au vivant dans sa globalité, de remise à un niveau plus terre à terre aussi de l'espèce humaine, qui s'est un peu monté la tête, hein, on va pas dire autrement, ces dernières décennies, et qui est en train clairement de perdre le contrôle. Donc je crois que cette humilité que nous a raconté, transmise Bastien, elle est bienvenue et elle donne un cap plus qu'intéressant pour ces 2030 glorieuses. Merci encore une fois d'avoir passé ce moment avec nous, et puis je vous dis à très vite, hein, dans 2 semaines, pour une nouvelle personne inspirante. Allez, salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuses avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !